Chapitre 19e. Lorsqu'on voyait pour la première fois le château de Blatchmardean, celui de la Belle au bois dormant revenait tout naturellement à l'esprit. Tout y semblait avoir au moins un siècle de date, même l'étoile d'araignée et la poussière. Les seigneurs du lieu, dédaignant l'argent que les coupes de bois auraient pu leur apporter, avaient religieusement respecté les arbres séculaires du parc. Le propriétaire actuel était, moins que tout autre, homme à les abattre. En dehors de ses écuries, du plaisir de la chasse et de ses études agronomiques, Lord Blatchmardean n'avait souci que de sa tranquillité. L'éducation de ses enfants s'était ressentie de cette insouciance, exigeant peu de leur nature légère, aveugle sur leurs défauts. Lord Blatchmardean considérait comme l'idéal de la piété filiale l'affection qui lui témoignait. Baville était le meilleur garçon du monde et le premier tireur du comté. Francis, une écuyère sans rival. Que demander de plus? Un père pouvait-il être mieux partagé? Des enfants furent-ils jamais mieux doués? Lord Blatchmardean préférait ce pays d'illusions plutôt que d'envisager sérieusement la réalité. Personne moins que lui n'était doué de ce que l'on appelle dans le langage moderne la puissance de la compatibilité, et la devise « laisser faire, laisser passer » eût dû être la sienne. Ses enfants avaient hérité de son insouciance native. C'était une des caractéristiques de sa race, et sans l'esprit d'ordre de la gouvernante Miss Moulton, tout dans l'intérieur du château eût été à volo. « Miséricorde, que deviendrait-on ici sans moi ? » s'écriait souvent celle-ci en rangeant dans le petit salon tout ce que Lord Beville et sa sœur y avaient dérangé. « Ici une boîte à ouvrages, là un livre, plus loin l'encrier, le pupitre, les journaux, etc., etc. » « Ah, ma bonne Moulton, » répétait Francis, « sans vous, Blatchmardean ne serait qu'un épouvantable Capharnaüm. Je voudrais pouvoir vous faire une citation à ce sujet, mais la mémoire me manque. Hélas, elle vous manque toujours lorsqu'il s'agit de vous rappeler ce que vous avez appris, » dit la bonne Moulton en souriant. Elle aimait tendrement Lady Francis, malgré tous les vains efforts qu'elle avait faits pour lui mettre dans la tête la date de l'assassinat de Jules César et le nom des planètes. Très jeune encore, Lady Frances déclara qu'elle ne voulait plus entendre parler d'études d'aucune sorte, mais qu'elle n'en tenait pas moins à conserver Miss Moulton auprès d'elle à titre d'amie. L'ex-gouvernante avait longtemps caressé l'espoir de voir son élève chérie épouser Morton Blake, qui, s'il n'était ni duc ni père, ne lui paraissait pas moins digne de la main de Lady Frances. L'assiduité du jeune homme autorisait d'ailleurs à supposer qu'il aspirait à cet honneur. D'autre part, bien que celle-ci ne lui eût jamais fait de confidence, Miss Moulton n'en avait pas moins la certitude que sa chère fan aimait Morton Blake et qu'elle s'en croyait aimée. Le fatal démenti qu'il lui donna en se fiançant à Dulcie ouvrit dans le cœur de Lady Frances une blessure dont sa vieille amie pouvait seule mesurer la profondeur. De petits élans de colère échappaient malgré elle à la gouvernante lorsqu'elle parlait de Morton. Mais Lady Frances, ayant, malgré la légèreté de son caractère, beaucoup de fierté et de noblesse de sentiment, se faisait un devoir de prendre la défense de Morton quand la vénérable Miss Moulton se plaignait de la rareté des visites de leur jeune voisin, disant qu'un homme amoureux n'en doit pas moins être fidèle à l'amitié. « C'est trop demandé à la nature humaine, » répondit avec une affectation de bonne humeur la pauvre Lady Frances. « Morton a rencontré sur son chemin la meilleure et la plus charmante des femmes, il est tout naturel qu'il m'oublie. » Ou alors, si c'est tout naturel, si vous lui donnez raison, je n'ai plus rien à dire, et même je me récuse. » Souvent il arrivait que Lady Frances, au lieu de répondre, disparaissait tout à coup pour courir à l'office, d'où elle revenait les mains pleines de morceaux de pain qu'elle faisait manger gravement à son cheval favori, se disant que la bonne Moulton attisait inconsciemment la flamme qu'elle se flattait en vain d'éteindre dans le cœur de son élève.